Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une pléiade d'excellents comédiens français. Chaque année à la belle saison, le commissaire Paul Bellamy vient séjourner à Nîmes dans la maison de famille de sa femme Françoise qui rêve de croisière au bout du monde. Paul ne peut se passer de Françoise, mais il déteste les voyages. Un double prétexte le cloue sur place, l'arrivée inopinée de Jacques, son demi-frère, aventurier au petit pied, porté sur la bouteille, et l'apparition d'un homme aux abois qui lui réclame sa protection. Bonjour madame, est-ce que je peux voir le commissaire Bellamy s'il vous plaît ? Ah, je suis désolée, il n'est pas disponible. Et c'était ? Le bonhomme qui rôde autour de la maison depuis 3 jours. Je croyais qu'on était en vacances. Ce type m'intéresse. C'est qui ? C'est lui. C'est l'homme que j'ai tué. Enfin, d'une certaine façon. Pourquoi vous avez fait ça ? Pour l'argent ? Par amour ? Pour la femme de ma vie. T'es content de voir ton frère, quand même ? Ah oui, je suis très content. Vous avez 2 femmes ? On peut dire ça. Bonjour madame, je suis le commissaire Paul Bellamy. Je savais que ça finirait mal. Vous l'avez déjà rencontré ? Mieux que ça, il a besoin de venir ici. J'aurais mieux fait de les tuer tous les deux. Vous n'y allez pas par 4 chemins, vous ? J'aimerais être comme toi, voir le dernier mot. On tue toujours pour se débarrasser de quelque chose, mais la plupart des gens qui tuent, c'est pour se débarrasser d'eux-mêmes. Bellamy, une réussite signée Claude Chabrol avec Gérard Depardieu, Clovis Cornillac, Jacques Gamblin, un DVD, TF1 Vidéo.